Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous qui nous écoutez aujourd'hui de l'autre bon côté du poste ou devant moi, dans l'auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille, à l'occasion du festival Cité Philo qui nous accueille comme chaque année pour y enregistrer 4 épisodes des Chemins de la philosophie en public, avec les meilleurs, pour parler cette saison du féminin. Aujourd'hui, une question, que signifie parler au féminin? Ce qui implique une deuxième question, la langue a-t-elle un sexe? Bonjour Bernard Cerchiglini. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci pour votre invitation. Et bonjour au public venu nombreux vous écouter ce matin. Bonjour. Bernard Cerchiglini, vous êtes linguiste, professeur de linguistique à Paris 7, membre de l'Oulipo, l'auteur d'un ouvrage qui est paru cette année qui s'appelle « Le barré ministre est enceinte ». Et le « là » est rajouté à côté du « le », on est déjà dans le sujet. Vous êtes aussi l'auteur aux éditions de Minuit de « L'invention de Nittard », que vous considérez comme le premier écrivain français. C'est l'auteur des Sommes en Strasbourg, c'est le premier écrivain français, c'est celui qui a inventé la langue, la littérature et la francophonie. Rien que ça. Pour commencer. Bon, bah pour commencer. Alors, avant qu'on entende, on va écouter ensemble plusieurs sons, parce que quand on parle de la langue et de la féminisation de la langue, évidemment, on a envie d'entendre des exemples. C'est souvent un combat, la plupart du temps une lutte, qui n'est pas récente. Évidemment, on commencera par le commencement, sans doute. D'abord, je voudrais... Comment dire, me prémunir ou anticiper les remarques et réactions déjà de nos auditeurs et de nos auditrices qui se disent, mais tiens, un invité masculin pour parler du féminin dans la langue. Qu'est-ce que vous répondez à ces objections peut-être fantasmées, Bernard Cerchiglini? Oui, je trouve ça tout à fait normal. Si l'on a l'esprit des Lumières, la tripe républicaine, l'attention à l'autre et à son altérité, on est féministe. Je suis féministe. Ça veut pas dire que vous êtes féminin? Non, bien sûr, je suis un homme, mais je pense fondamentalement que les femmes et les hommes sont égaux sur tous les plans, ont tous les droits, et en particulier d'être nommés en fonction de leur sexe. Vous en dites déjà beaucoup, on y reviendra. Alors on va commencer avec peut-être le début, en tout cas un début possible, la langue de Molière et des précieuses bien ridicules. Voilà un lapin qui demande si vous êtes au logis, et dit que son maître vous veut venir voir. Apprenez sotte à vous énoncer moins vulgairement. Dites, voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en commodité d'être visible. Dame, je n'entends pas le latin. Et je n'ai pas appris comme vous la philosophie dans le grand cire. L'impertinente, le moyen de souffrir cela. Et qui est-il le maître de ce laquais? Il me l'a nommé le marquis de Mascarille. Oh, ma chère! Un marquis! Oui, allez dire qu'on nous peut voir. C'est sans doute un bel esprit qui aura ouï parler de nous. Assurément, ma chère. Il faut le recevoir dans cette salle basse plutôt qu'en notre chambre. Ajustons un peu nos cheveux au moins et soutenons notre réputation. Vite, venez nous tendre ici dedans, le conseiller des grâces. Par ma foi, je ne sais pas quelle bête c'est là. Faut parler chrétien si vous voulez que je vous entende. Apportez-nous dans le miroir, ignorante que vous êtes. Et gardez-vous bien de serrer la glace pour la communication de votre humeur. Il était assez difficile d'entendre cet extrait parce qu'on entend surtout des femmes qui crient, on ne comprend pas très bien ce qu'elles disent et en fait il est emblématique d'un cliché autour de l'hystérisation de la langue quand elle serait utilisée par des femmes. C'est exemplaire. Malgré l'admiration que j'ai pour l'auteur du Tartuffe ou du Don Juan, je n'aime pas cette médiocre comédie qui se rend complice de l'exclusion des femmes des domaines littéraires et linguistiques qui commence à l'époque par l'hystérisation. Depuis le XVIIe siècle, une femme qui, n'ayant pas été élevée dans les humanités et dans le latin, qui veut avoir sa propre langue et qui ne peut pas créer des mots par calque sur le latin et qui le fait par néologie, est considérée comme folle. Mmh. Cela continue. Non, les précieuses n'étaient pas ridicules. Alors Molière n'a pas inventé le terme de précieuse ridicule, n'est-ce pas? Oui, il circule à l'époque un dictionnaire aussi très médiocre de Sommaise qui feint d'attribuer aux femmes des créations ridicules pour s'en moquer. Mais Sommaise est pris à son propre piège car au chapitre orthographe, il se moque des formes très simplifiées que les femmes qui ignorent le latin utilisent. Pas de chance pour Sommaise. L'Académie elle-même, au cours des siècles, a adopté ces orthographes. Nous utilisons aujourd'hui l'orthographe des précieuses. Alors, le dictionnaire des précieuses ridicules, c'est donc en 1660, vous l'avez dit, c'est rédigé par Antoine Baudot de Sommaise. À la suite de la représentation des précieuses ridicules de Molière, bah, Sommaise va déclencher une polémique. Il va s'attaquer à la préciosité même qu'on le retrouve dans le titre de Molière, il l'accuse d'avoir plagié. Enfin, c'est tout un scandale autour de ces précieuses ridicules. En fait, ce qui devient ridicule, c'est le scandale autour de la polémique, plus que l'utilisation de la langue qui, dans la pièce, vous l'avez peut-être entendu, hein, on a cette Magdelon qui reproche à sa servante de parler vulgairement et lui dit, bah oui, mais finalement, c'est parce qu'elle ne parle pas le latin. En fait, ce que les extraits nous disent, c'est que de tout temps, on utilise et on accuse, en fait, surtout la langue, en utilisant de mauvais arguments, d'être perdu, de ne plus être aussi authentique qu'avant. C'est là où on voit que ce qui se passe aujourd'hui n'a rien de nouveau, en fait. Mais c'est le thème du déclin. Ce que font les précieuses et les précieux aussi, car on oublie que c'est un mouvement également masculin, participe d'un état d'esprit de l'époque, Vaugelas aussi épure la langue. Il s'agit de l'épurer, surtout de classer les termes en bas, familier ou de bon usage, de travailler la langue. Simplement, les femmes n'ont pas le droit de s'y mettre. Marine Gournay est mise de côté. Qui est Marine Gournay? C'est une grammairienne de grand talent et qui est pour la féminisation, je dirais, aujourd'hui. Mais en fait, elle est exclue au profit de Vaugelas, Bourg. Les hommes prennent le pouvoir sur la langue. Eux seuls ont le droit de la gouverner. Alors, à quand datez-vous la première revendication d'une utilisation féminine de la langue? Vous citez Marie de Gournay, est-ce que c'est le premier cas ou est-ce qu'on peut remonter plus loin dans l'histoire? Oui, alors on a un fil de femmes qui, mais extrêmement minoritaires qui veulent avoir leur parlure. Elles ont le droit, après tout. Leur parlure? Oui, je dis parlure, comme on dit une parlure, la façon de parler, de créer des mots, d'avoir le vocabulaire. Mais c'est extrêmement minoritaire et c'est toujours sous la même réaction, hystérie, folie, bas bleu, le thème des bas bleus tout de même. Hein. Je veux dire que en épigraphe de mon livre, je mets une phrase terrible de Jules Renard que j'aime par ailleurs infiniment, qui dit mais on cherche un féminin à écrivain, c'est pas la peine, on l'a depuis toujours, c'est bas bleu. Les femmes cherchent un féminin à auteur, il y a bas bleu. C'est joli et ça dit tout, à moins qu'elles n'aiment mieux plagiaire ou écrivaine, la rime n'aurait rien d'excessif. C'est hallucinant, c'est-à-dire qu'en fait, les femmes sont exclues du domaine littéraire à partir du XVIIe siècle. Et donc tout le vocabulaire disparaît. Je suis étonné d'entendre les puristes critiquer le mot « écrivaine » en disant « quel néologisme épouvantable ». Mais « écrivaine » a fonctionné au Moyen-Âge et au XVIe siècle. De même, « autrice ». Alain Finkielkraut dit quel mot très laid, on dirait une craie qui crisse sur un tableau noir. Il appelle Jules Ferry au secours de son machisme. Mais autrice, d'abord, n'est pas distinguable de actrice, ni amatrice. C'est la même formation. Et autrice a été utilisée régulièrement, jusqu'au jour où l'Académie française étant fondée, la grammaire officielle étant fondée, on a exclu les femmes. Et l'on voit, quand on prend l'histoire de la langue, disparaître ces termes de l'emploi. Mon livre est tout simplement une étude historique d'un vocabulaire qui vient prouver matériellement ce que les historiens et les sociologues ont dit de l'exclusion des femmes à partir du XVIIe siècle. Et on apprend en lisant votre livre que l'Académie française n'a pas été un allié dans la féminisation de la langue, et c'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est même un frein, en réalité. Ce livre résulte d'une stupeur. Comment a-t-on pu, en France, pendant 30 ans, bloquer, je dis pas freiner, bloquer, avec autorité et même arrogance, un changement linguistique qui est naturel, nous avons toute la morphologie pour former des féminins, qui est conforme à l'histoire de la langue, qui est socialement juste. Les femmes exerçant des professions doivent être nommées au féminin. Et surtout, qui a pris naissance en francophonie, au Québec, ensuite en Belgique, en Suisse. Pourquoi la France est-elle restée en retard pendant 30 ans? Maintenant, la féminisation est générale. Et il faut donc examiner pourquoi l'Académie française s'est trompée, c'est un échec. Mmh. L'échec de l'Académie française me semble extrêmement exemplaire. C'est en quelque sorte le succès de la francophonie et le deuil éclatant du purisme français. Alors comment vous expliquez cette position de l'Académie française? Il y a diverses raisons. D'abord, cette tradition misogyne de l'Académie, hein, qui a mis beaucoup de temps à admettre des femmes. Et n'oubliez pas que Marguerite Yourcenar, quand elle est admise, elle est citée comme romancier. Vous avez entendu, romancier. Quand Assia Djebar meurt, le communiqué de l'Académie dit « Le secrétaire perpétuel, c'est une femme, a le regret d'apprendre le décès de notre confrère Assia Djebar, dont on peut peut-être, si on ignore que c'est une femme, décédée, et tout est au masculin. Il faut vraiment savoir qu'Assia était une femme pour comprendre. Donc, on a une difficulté à admettre les femmes, et surtout un pouvoir masculin. Donc, la bonne vieille misogynie que l'on voit chez un Dutour, un Druon, etc. Mais je crois qu'au-delà de cela, on a une difficulté qu'a eu l'Académie à se repositionner au XXe siècle. Elle a admirablement fonctionné au XVIIe, XVIIIe ou XIXe avec de très grandes créations et des décisions très justes, mais c'était l'époque où le français était une langue de France, statistiquement, moralement. Maintenant, le français est mondial et on parle le français librement et sans se soucier de la norme académique à Namur, à Dakar et à Montréal. Et pourquoi l'Académie a été si réticente, pour utiliser un mot léger, c'est parce que on a un mouvement qui commence au Québec. C'est une affaire de huronne, dit Maurice Druon avec beaucoup de mépris. Et donc je crois que l'échec de l'Académie vient du fait qu'elle n'a pas réussi à repenser sa position, à avoir un sentiment de la norme qui soit une norme mondiale. Il faudrait maintenant une sorte d'association de diverses académies travaillant ensemble pour accepter des variantes. Le français du Québec a même dignité que notre français. Et les femmes québécoises avaient raison de s'appeler écrivaine, autrice ou colonel avec un au bout. Alors avant d'en arriver à la francophonie, juste pour le plaisir, un extrait d'un texte de Maurice Druon, secrétaire perpétuel à l'Académie française, qui s'insurge contre les directives ministérielles. Ici, nous sommes en 2005, il fait paraître ce texte dans le Figaro littéraire. Voici ce qu'il écrit. « Régir la langue appartient à l'Académie et à elle seule, non au gouvernement. Comment se fait-il que contre elle, la féminisation ait été imposée par un acte arbitraire de Lionel Jospin, Premier ministre, acte que je n'hésite pas à qualifier d'abus de pouvoir ?» Lionel Jospin interroge l'Académie et la Commission générale de terminologie et de néologie qui toutes deux rendent un avis négatif. L'Académie va même jusqu'à publier une adresse au président de la République. Le Premier ministre passe dessus allègrement et trouve un linguiste aussi délirant que complaisant. C'est moi. Ici présent. N'a-t-il pas dénombré 74 langues de France, dont 28 sont les parlés kanak, dit-il, vous justifierez ensuite, qu'il charge de dresser et publier dans la documentation française une liste de termes féminisés. La lecture en est une délectation. On y trouve une affranchisseuse, une arrondisseuse, une barboteuse, une boucheuse, une boudineuse, une campagnonne, compagne et rayée de la langue, une déboiseuse, une débouteuse, une décortiqueuse, qui ne sont pas des machines, mais des personnes, une enduiseuse, une évaporeuse, une lessiveuse, une main courantière, une papillonneuse, une pompière, une palpeuse, une taulière, sans oublier naturellement une sous-préfète et une lieutenante. Sans parler de l'insupportable écrivaine. C'est donc de vous qu'il est question dans ce texte. Hélas oui. Et j'avais aussi, quelque temps avant, fait à la demande du gouvernement une liste des langues régionales de France. À l'époque, la France avait signé la Convention de protection des langues régionales et devait assortir cette signature d'une liste. Et j'avais produit une liste de 75 langues régionales. Maurice Druon oublie que la Nouvelle-Calédonie, et on le sait de nouveau, c'est la France. 28 langues, et la Guyane, c'est 6 langues amérindiennes, et nous sommes fiers que notre pays ait tant de langues. Pour revenir à ce qu'écrit Maurice Druon avec beaucoup d'humour, j'ai cité comme raison la misogynie, oui, la francophonie qui dépasse l'Académie. Mais il y a aussi la question du pouvoir sur la langue. Jusqu'au XXe siècle, fin XIXe, l'Académie a le magistère complet sur la langue. Mais au XXe siècle, ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre d'une poussée sociale, on est en 84, on souhaite que l'administration se féminise, ouvre également les professions. C'est la circulaire Anissa Le Pors aux femmes et aux hommes. Que toutes les offres d'emploi soient ouvertes aux femmes et aux hommes, il faut donc des mots pour cela. Et l'État, et c'est son droit, crée une commission pour produire du vocabulaire féminin. Et l'Académie se dit, mais attendez, l'État se mêle de la langue. Oui, c'est ce qu'il dit au début. Régir la langue appartient à l'Académie, à elle seule, et pas à l'État. C'est un enjeu de pouvoir. L'État a le droit aussi de créer son vocabulaire. Il donne à ses fonctionnaires des bureaux, des ordinateurs, des gommes et des crayons. Il donne aussi des substantifs féminins. Et c'est le destin tragique de la commission Groux qui a sombré sous les coups de la canonnière académique, mais qui était fondée dans son travail. Alors, on reviendra sur la commission Groux parce que c'est très important. Un dernier point sur ce texte de Maurice Druon. Il est très drôle et très bien écrit. Il a le sens de la langue, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous remarquerez que les mots qu'il choisit de citer sont les moins musicaux. Ce sont ceux qui font le plus mal à l'oreille. Évidemment, personne n'a envie de parler d'une main courantière, d'une compagnonne. Alors, pourquoi pas d'ailleurs? Mais il joue sur l'importance de l'oreille. Et ce n'est pas un détail, parce que beaucoup des détracteurs de la féminisation de la langue avancent cette musicalité de la langue à laquelle on ne peut pas nuire. C'est difficile d'opposer une efficacité pragmatique à un tel sens, disons, quasiment esthétique, non? Non. Quand on est amoureux de la langue. Maurice Druon est un écrivain. Donc il a le sens de la langue, il a l'oreille. Et il s'est bien rendu compte du problème. Nous avons publié un rapport sur la féminisation, illustré de féminin, pour montrer que la langue peut produire. Et donc, automatiquement, on crée sans problème des agrafeuses, des mains courantières, etc. C'est donc dans la langue. Maintenant, la réception peut être différente. Et il est vrai que la langue française a ce trait particulier que la néologie passe par l'esthétique. Un mot nouveau paraît laid. Vous voyez? C'est vrai, quel qu'il soit, féminin ou pas d'ailleurs. J'en fais l'expérience régulièrement. J'étais au sommet d'Erevan il y a quelques semaines, j'ai dîné avec une jeune et brillante ministre malienne et je lui ai dit « Madame la ministre ». Elle m'a répondu « Oh non, c'est laid, la ministre ». 35 ans. Je rappelle, c'est le titre de votre livre. Hein. Le ministre est enceinte, vous rayez le avec la. Mais je respecte son choix. C'est-à-dire que je me souviens qu'au début, une préfète semblait dissonant. À tel point qu'un de mes bons amis qui détestait la dissonance de préfète, un soir qu'il m'appelait, je lui ai dit « Écoute, avant une cérémonie officielle, je vais donner une petite fête chez moi, une préfète. Est-ce que tu viens à ma préfète ?» Il me dit « Oui, je viendrai à ta préfète. » Il n'a pas vu du tout qu'il avait admis. Mais donc ce qui coinçait, c'était le féminin de préfet. Bien sûr, l'esthétique masque un refus tout de même lié à des valeurs. Il n'empêche qu'il y a quelque chose, la néologie en français déroute. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés à la langue. Et il y a une sorte d'immobilité de la langue. C'est pour ça que le purisme est si important en français. Nous aimons notre langue, nous ne voulons pas trop qu'elle change. C'est vrai pour les anglicismes également. C'est vrai pour les anglicismes. C'est vrai aussi pour la création terminologique, justement pour répondre aux anglicismes. Il y a des commissions ministérielles qui travaillent très bien, qui proposent des mots. Je les ai animés pendant plusieurs années. Et je constatais à chaque fois que nous proposions un mot nouveau, nous avions comme réception au mieux des sourires. Je me souviens du mot baladeur qui a fait rire et qui ensuite est devenu d'usage courant. Mais logiciel, quand le mot logiciel a été proposé à l'Académie française, réponse, mot mal formé qui n'a aucun avenir. Ça en dit long tout de même, vous voyez. Il est très difficile de créer des mots nouveaux et de les faire accepter. À des Français qui, par ailleurs, sont réticents aux anglicismes. Mmh. Il y a une contradiction, là. Mais votre combat, alors je ne sais pas si c'est un combat, en tout cas votre prise de position en faveur d'une féminisation de la langue, est-ce par amour de la langue et pour montrer sa plasticité, encourager son renouvellement perpétuel, ou est-ce un engagement politique, voire même féministe? Vous le disiez en début d'émission, je suis féministe. Est-ce parce que vous pensez que l'utilisation de la langue ne fait pas assez entendre le féminin dans la langue? Les deux. D'abord, je suis linguiste. Geneviève Fraisse me disait l'autre jour, au fond, tu es un linguiste et t'aimes bien quand la langue bouge. Je suis un linguiste du mouvement. J'ai fait ma thèse sur l'ancien français. J'aime la variété historique et spatiale de la langue. J'aime tant le français québécois. Donc j'aime bien quand ça bouge et une langue doit bouger. Mais aussi, je sais que la langue reflète l'état des mœurs, l'état d'une société, les représentations, les discriminations aussi. Et qu'on a le droit de faire bouger une langue pour qu'elle cesse de refléter des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Donc c'est à la fois un intérêt de linguiste et aussi un combat de citoyen. Je pense que imposer le masculin aux professions féminines, ce n'est pas convenable. Alors non, en effet, vous n'êtes pas le seul à le penser. En tout cas, on va entendre Yvette Roudy dans un instant. Mais avant cela, ce que vous dites de la langue est très juste, mais n'est-ce pas le cas à propos de d'autres formes de réalité que simplement le genre? Quand on emploie le masculin au pluriel, qui est soi-disant un genre neutre, effectivement, on n'y entend pas les féminins. Il ne permet pas non plus de distinguer l'identité de chaque personne dans la salle, que ce soit l'âge. On pourrait dire, mais il faut que la langue reflète que dans une assemblée, il y a des enfants et des personnes plus âgées, que dans une assemblée, il y a des Français et d'autres personnes. Vous voyez, les différences ne se réduisent pas simplement au genre. Alors pourquoi faire entendre le genre plus qu'une autre différence dans la langue? D'abord, parce que c'est la distinction fondamentale. L'humanité est sexuée. Elle est fondamentalement binaire. Ensuite, c'est ça de moins en moins vrai. Il y a beaucoup de remises en question de la binarité du genre. Vous avez raison. Mais tout de même, ça reflète dans la langue, puisque le français a deux genres, masculin et féminin. Il n'y a pas de neutre en français. Et en particulier pour les substantifs. Il y a un peu de neutre pour les pronoms, mais pas pour les substantifs. On est boulanger ou boulangère. Et aussi, parce que les femmes ont été minorées dans la langue depuis des siècles. Je réponds à votre question. La question du pluriel. Mmh. Quand on prend un groupe humain, il est en effet disparate. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, etc. Pour cela, on a un emploi du masculin que j'appelle générique, qui va très bien quand on ne veut pas distinguer. Bah, les auditeurs dans la salle, par exemple. Les auditeurs, voilà. Il n'importe pas de savoir s'il y a des hommes et des femmes. D'accord? Et ça, c'est le pluriel. Mais l'académie s'appuie sur cet exemple particulier pour généralisé à outrance. C'est parce que je n'ai pas besoin de signifier la chose. En revanche, si je veux recruter un fordéal ou un sous-motori, je vais dire que le concours est ouvert à tous les candidats et à toutes les candidates de plus de 25 ans. J'ai besoin d'introduire les femmes, voyez ? Ou par exemple, qu'à ce concours, les candidats et les candidates passeront une épreuve de lancer du poids. Donc plus que l'écriture inclusive, vous proposez de dire candidat et candidate, donc candidat.e.s. Je m'oppose, sur ma droite, au purisme androcentré, sur ma gauche, au féminisme rudimentaire. Le purisme androcentré pose que le masculin est bon pour tout. Andro, c'est l'homme, oui, donc c'est ça qui prend l'homme comme norme. C'est la position académique, le masculin suffit. L'autre côté, il faut toujours distinguer, d'où l'écriture inclusive, qui systématiquement, candidat-candidate, insoumis-insoumise, etc. Ce n'est pas toujours nécessaire. Il faut faire confiance à la langue. Ah la langue oui, a mais toutes alors, les ressources. Ça, c'est un argument. Et à l'intelligence du locuteur. Ben, alors, ce sont deux arguments qui ne plaisent pas à ceux qui se battent en faveur de l'écriture inclusive, par exemple. Dire, il faut faire confiance à la langue. Qui va décider qu'aujourd'hui, il n'est pas important de dire les auditeurs et les auditrices ici présentes? Bien sûr que si. C'est certaines personnes vont dire, ben si, c'est prononce. Important de savoir. Regardez, si je suis un homme politique, et si par exemple, général de Gaulle, j'ai donné le droit de vote aux femmes par une ordonnance, je vais commencer mes discours par française, français, pour leur rappeler quand même aux dames qu'elles votent grâce à moi. D'accord? Sinon, il suffit de dire français. Je vous ai compris. Un exemple. Oui, mais alors là, la composante féminine de l'Assemblée des Français est passée sous silence. Explicitement, mais elle existe. Donc, si je suis un homme politique, je peux dire « les Français m'ont fait confiance ». Je peux dire aussi « les Françaises et plus encore les Françaises sont confrontées à des problèmes quotidiens ». Vous voyez, la langue est beaucoup plus subtile que le croient les puristes et certaines féministes. C'est-à-dire que quand on parle, on a le choix de toute une série de dispositifs pour faire apparaître les choses. Et le masculin sert, dans certains cas seulement, généralement. Tous les voyageurs sont priés de descendre. Hommes et femmes. Ah mais oui, si on pourrait dire que les voyageuses, du coup, peuvent rester dans le train. Non, non, parce que dans ce cas-là, c'est l'ensemble des voyageurs. Mais si j'ajoute, ils sont priés de se raser la moustache, on voit que le masculin, dans ce cas-là, était vraiment un masculin. Donc, la langue est extrêmement subtile. Encore faut-il savoir la manier. Eh bien, lisez mon livre. Ben, ça, c'est ce que tout le monde fera. J'espère Yvette bien. Yvette Roudy, revenons-y. Qui est Yvette Roudy? Présentez-nous Yvette Roudy pour ceux d'entre nous, les plus jeunes, ou ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire de France, qui ne la connaîtraient pas. Yvette Roudy a été nommée en 1980 ministre déléguée aux droits des femmes, ministre déléguée au masculin. Et quand elle a reçu son décret d'attribution, elle a lu, le ministre, elle a été sidérée. Elle était ministre déléguée aux droits des femmes, Et tout était au masculin. Elle en a parlé à François Mitterrand, qui a bien compris et qui a été d'accord pour qu'on... Il l'avait nommé, hein, c'est lui. Il l'avait nommé, il était très favorable. Mais même quand il l'installe, le premier jour de la fête des femmes, le 8 mars 82, donc, il lui dit, je suis obligé de vous dire, Madame le Ministre, je trouve que là, ce n'est pas normal. On devrait changer la grammaire, dit François Mitterrand. Ben, nous l'avons fait. Alors, nous allons écouter Yvette Roudy, qui était au micro de Claude Guillemin, en 1984. Un échange assez savoureux, où elle montre comment la masculinisation des termes féminins s'accentue à mesure que les femmes accèdent au pouvoir. La secrétaire, personne, tout le monde dit la secrétaire, mais quand ça devient le secrétaire d'État, une dame devient le secrétaire d'État. Et juste après, et je voudrais qu'on entende les deux bout à bout, vous verrez pourquoi, nous allons entendre un texte de Ferdinand Bruno. Présentez-nous Ferdinand Bruno, s'il vous plaît. Ferdinand Bruno est le grand grammairien de la fin du 19e et du début du 20e. Il est mort vers 1936. C'était un Vosgien, le grand maître des études historiques. Il est l'auteur de la grande histoire de la langue française en 15 volumes. C'était aussi un grand penseur républicain, un homme des Lumières. Il a été maire du 14e pendant la guerre de 14. Il a sa place à Paris. C'est un homme admirable, admirable de savoir et de progressisme. Et je l'ai cité longuement dans mon livre, car j'ai trouvé magnifique ce que Bruno disait là-dessus. C'est-à-dire, pour lui, il n'y a pas de problème. Il fallait d'urgence donner des nominations féminines aux femmes. J'ajoute que Bruno s'est présenté sans succès à l'Académie française. Et sans surprise. Voici donc Yvette Roudy en 1984, sur le téléphone sonne, France Inter, au micro de Claude Guillemin, à qui Ferdinand Bruno va répondre donc dans un texte qui pourtant date de 1922, c'est la magie de la radio, vous verrez comme l'un répond à l'autre. Peut-être dois-je dire écrivaine, comme vous voudriez, Benoît de Groulx, que l'on dise plombière, députée et doyenne d'université, et non Madame le plombier, Madame le député ou Madame le doyen. Je voudrais même récuser votre titre tout à l'heure, vous avez dit ministresse, et ça, il n'y a pas du tout besoin de faire un féminin en S qui est caricatural, parce que ministre finit par un muet. On dit bien le concierge, la concierge, un élève, une élève, pourquoi pas le ministre, la ministre. Mais on dit bien une maîtresse d'école. Oui, mais on ne dit pas une maîtresse assistante. Parce que dès que la fonction devient prestigieuse, le féminin est interdit. On est doyenne des Français si on a 100 ans. Mais quand on est à l'université, quand on a le poste de doyen, on est madame le doyen. Vous croyez que c'est en fonction du métier? Mais oui. Chaque fois que ça devient prestigieux, on est la secrétaire du patron, mais on devient madame le secrétaire d'État au niveau gouvernemental, qui est plus prestigieux. Non, non, c'est très clair, malheureusement. Mais c'est peut-être aussi une reconnaissance du rôle important que joue une femme, justement, dans son métier. Je ne vois pas en quoi l'appeler madame le et reconnaître son importance. Alors madame la secrétaire d'État? Mais oui, bien sûr, puisque secrétaire est un mot qui est féminin, le plus souvent même, il y a beaucoup plus de secrétaires femmes au niveau inférieur, disons, et quand on s'élève au niveau supérieur, il y a tout à coup plus de féminité. Il y a encore quelques fonctions essentiellement propres à chaque sexe. Nourrice, marin, chambrière, scaphandrier, soldat. D'autres fonctions avaient apparu longtemps comme réservées aux hommes. Docteur, sculpteur, ingénieur. Pour diverses causes, les portes de ces professions se sont ouvertes ou bien s'ouvrent aux femmes. Un ministre eut pour sous-chef de cabinet sa propre fille. Il y a des femmes au barreau, d'autres qui exercent la médecine, etc. La question s'est donc posée pour la langue. Quelle forme allaient prendre les titres jusque-là réservés? Se féminiseraient-ils et comment? Pour un certain nombre de mots, la question s'est résolue sans peine. Avouée et eux, avocate, agrégée et eux n'ont rien qui choque. Mais docteur a fait difficulté. Et aussi professeur, ingénieur. Croque-morte a l'air d'une funèbre plaisanterie. Le problème n'est pas simple. Dans beaucoup de cas, on s'en est tiré en ajoutant le mot « femme ». Exposition des femmes peintres et sculpteurs. Ce n'est qu'un pis-aller. Quelques formes se féminiseraient facilement. Ingénieur, professeur s'écrirait comme « supérieur ». Mais doctoresse empêche docteur. Chefesse, usité dans diverses haltes du Nord et de l'Est, est horrible. Ce qui augmente la difficulté, c'est que beaucoup de femmes croiraient n'avoir rien obtenu si l'assimilation n'était pas complète. Elles veulent porter tout cru des titres d'hommes. Mademoiselle le docteur untel. « écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous sommes à Lille à l'occasion du festival Cité Philo, où nous enregistrons une série d'émissions autour du féminin. Aujourd'hui, la langue a-t-elle un sexe? Peut-on féminiser la langue ou parler au féminin? En compagnie du linguiste Bernard Cerchilini et du public présent dans l'auditorium du Palais des Beaux-Arts, les plus attentifs et les plus attentives d'entre vous auront remarqué que ce n'était pas du tout Yvette Roudy au micro de Claude Guillemin, mais Benoît de Groot, qu'Yvette Roudy avait nommé à la présidence de la commission de terminologie afin de réfléchir à la féminisation des noms de métiers. C'est très important de distinguer les deux, puisque Benoît de Groot a été aussi à l'occasion ensuite d'une polémique autour de la féminisation de ces noms, Bernard Cerchilini. Oui, de même qu'on crée des commissions de terminologie pour les composants électroniques, pour la biochimie, on a créé donc à l'époque une commission pour créer des mots féminins de profession dont l'administration avait besoin. La commission a fort bien travaillé, elle s'est associée les meilleurs linguistes de l'époque, Benoît Groux, dont on a entendu la force tranquille, admirable, a rendu un rapport qui a été enterré sous les coups de boutoir de l'Académie. Le gouvernement de gauche, qui avait aboli la peine de mort contre l'opinion publique, a reculé et on a finalement, ce texte est devenu une petite circulaire signée par Laurent Fabius le 16 mars 86, le jour où la gauche a perdu les élections. Il a fallu 10 ans après recommencer. Or, le travail avait été fait très simplement et conforme à la langue, tel que Bruno le dit. Je suis frappé de la qualité du texte de Bruno, pour lequel la féminisation est un problème purement technique et morphologique. Pour lui, les professions féminines doivent être énoncées au féminin. Et en bon grammairien, il fait le bilan des moyens, c'est tout. Alors que dès 1984, l'Académie, suivie par tous les puristes, sont sur un autre plan. C'est-à-dire, non, il ne faut pas utiliser des féminins. Le masculin l'emporte. Donc ce que vous dites, c'est que les freins à la féminisation de la langue sont surtout situés dans le pouvoir. C'est un enjeu de pouvoir, en fait. C'est pas tellement une réticence de tout un chacun et tout un chacune à féminiser la langue que des décisions qui peinent à émaner des instances que sont l'Académie française et peut-être même le gouvernement. La féminisation est une question exemplaire. Elle montre exemplairement que le français en France est une question de pouvoir. Vous avez cité, je vous en remercie, mon livre sur Nitard, Les Serments de Strasbourg, le premier texte écrit en français, même dans n'importe quelle autre langue romane. Dès 842, on écrit du français. Les Serments de Strasbourg, c'est un texte politique par lequel deux petits-fils de Charlemagne font alliance contre un autre. C'est-à-dire que dès le début, le français est lié au pouvoir, à l'autorité, au juridique. Et ensuite, on peut tirer le fil, Villers-Cotterêts, etc. Et l'Académie française, qui a un pouvoir quasi politique sur la langue, et voulu par Richelieu. Donc, ce qui explique aussi le purisme, c'est-à-dire que non seulement nous aimons la langue, nous adorons son immobilité, mais pour nous, la langue, c'est l'État, c'est l'ordre, c'est ce qui constitue la société, avec des bons côtés, puisque s'il y a une identité française, pour moi, elle passe par la langue, ce qui est une bonne chose parce qu'on peut l'acquérir. Et le nom que je porte prouve que ma famille est devenue française, bien sûr. Mais par ailleurs, on a du mal à oser toucher à la langue. Voilà. Mmh. Là où les Québécoises, après la Révolution tranquille de 1978, se sont emparées de la langue, les femmes ont eu du mal. Vous voyez, à part quelques magnifiques exceptions comme Benoît de Groot, Vétroudy, elles étaient minoritaires et il faut saluer. Les Benoît femmes françaises, Groux, oui, les françaises. C'est plus facile pour les Québécoises. Ou ces femmes qui sont arrivées avec Lionel Jospin et qui en 97 deviennent, comme Elisabeth Guigou, première ministre régalienne, garde des Sceaux. Et toute la presse se dit, gardienne des Sceaux, gardeuse des Sceaux, alors que garde des Sceaux masculin a comme féminin garde. Mais à l'époque, j'ai relu toute la presse à l'époque, mais c'est hallucinant de sottise ce que l'on raconte. On accuse les femmes de vouloir devenir cheftaine de l'État, gardeuse des Sceaux, alors que maintenant tout le monde dit la garde des Sceaux. Mmh. Et donc Martine Aubry, Elisabeth Guigou, tranquillement dit, bah, écoutez, moi nous sommes la ministre. Voilà, c'est tout. Et alors là, ça a été terrible parce que voilà des femmes qui ont le droit de se faire appeler la ministre, qui en quelque sorte prennent le pouvoir sur la langue. Votre livre commence avec la date du 17 décembre 1997 et vous racontez comme un échange qui a lieu à l'Assemblée nationale. Au Conseil des ministres. Au Conseil des ministres, justement. Une dame que vous ne citez pas tout de suite, on comprend après que c'est Ségolène Royal, se bat pour se faire appeler justement d'une appellation féminine et qu'elle n'obtient pas gain de cause. C'est en 97. Écoutez, en 2014, le même genre de situation pour montrer à quel point ça n'évolue pas. Ici, c'est Julien Aubert, qui est député UMP, qui s'obstine à appeler Sandrine Mastier, qui elle-même présidait une séance à l'Assemblée nationale. Madame le Président. Voici comment il se défend et comment, écoutez, comment Claude Barthelone va le rappeler à l'ordre, justement. J'utilise le français tel qu'il est dans le droit canon de l'Académie française, c'est-à-dire Madame le Président, et que cette formule n'a jamais fait l'objet, jamais, d'un problème ou d'un rappel à l'ordre. J'ai fait essayer de faire entendre ma défense, qui était que grammaticalement, Madame la Présidente, comme le montre d'ailleurs le Larousse, je vous invite à aller voir le dictionnaire, c'est la femme du Président. Et que par conséquent, si vous parlez de respect de la langue française, et nous sommes législateurs, si je dis Madame Mazetier n'est pas la femme de Monsieur Barthelone, et par conséquent, c'est Madame le Président. C'est pas l'Académie française qui fixe les règles de l'Assemblée nationale, c'est le bureau. Or, la féminisation des fonctions est inscrite dans l'instruction générale du bureau depuis 1998 et a été rappelée par le bureau lors de sa réunion du 11 octobre 2000. Il ne s'agit donc pas d'une nouveauté, mais d'un usage parlementaire codifié qui constitue l'expression du respect le plus élémentaire dû à nos collègues féminines. Je vous ai vu secouer la tête, Bertrand Cerclini, lorsque comment s'appelle-t-il, Julien Aubert a dit que non, bah, Larousse stipule qu'il faut dire Madame le Président. C'est fou. Oui, mais je parlais de stupeur à l'origine de ce livre. Nous sommes le 6 octobre 2014 et voilà un député qui continue à dire Madame le Président et à se référer à l'Académie française et au petit Larousse, à tort, car même dans le dictionnaire de l'Académie française, présidente a deux sens. Épouse du président et femme à la tête d'un organisme. Le dictionnaire de l'Académie française prend même l'exemple d'une femme qui présidente d'une association caritative. Donc même l'Académie française a admis que présidente peut être aussi une fonction exercée par une femme. Et quant au petit Larousse, ça va de soi qu'il il n'a pas comme seule définition. Mais nous sommes en 2014 et il prend comme argument. Nous parlions de pouvoir à l'époque. On est là très nettement, car il fait référence à l'Académie française. Contre quoi ? Contre le règlement intérieur de l'Académie. Et le président Barthelone a tout à fait est fondé à le rappeler. L'Assemblée nationale est fondée à faire la liste des désignations. Trois jours après, 150 députés UMP ont fait une adresse à Barthelone pour protester parce que Sandrine Mazetier a infligé une amende à Julien Aubert, hein, naturellement, pour protester. Et ils disent, mais l'Assemblée nationale n'a pas à régir la langue. Tous ces gens-là se battent sur la question de régir la langue. Moi, j'ai envie de dire, la langue est régie par les locuteurs, d'abord, pour commencer. Mais donc, mais il ne s'agit pas de régir la langue, il s'agit de faire la liste des situations et des désignations pour l'Assemblée. Et une femme qui préside une séance, comme Sandrine Mazetier, est présidente. Point. Et donc, il y a là un conflit de normes qui se résout en faveur de l'Assemblée. Mais du coup, ça veut dire aussi que l'Académie ne régit plus la langue dans tous ses emplois, ce qui est aussi un problème. Je crois qu'il faudrait que l'instance qui a un magistère moral sur la langue comme l'Académie repense ses fonctions et son champ de prérogatives. Il y a au fond une crispation autour des enjeux de pouvoir. Là aussi, c'est aussi tout simplement de reconnaître qu'une femme puisse être égale à l'homme dans une fonction de pouvoir importante, c'est ça au fond l'enjeu. Mais oui, c'est pas la langue là. Là, on est vraiment dans une question d'égalité entre l'homme et la femme. Mais oui. Pourquoi j'ai commencé mon livre par un récit du Conseil des ministres au Québec? Les femmes ont féminisé les professions, écrivaines, professeurs, ingénieurs, etc. Tout s'est joué en France pour les professions, les fonctions nommées en Conseil des ministres. Pourquoi le livre s'appelle Le ou la ministre est enceinte? Parce qu'on s'est battu sur le féminin de ministre. Bien sûr, deux domaines sont tabous. L'écriture, la littérature. Donc l'Académie est opposée à romancière, à écrivaine, à autrice, etc. Et les hautes fonctions publiques. C'est clair, C'est clair, c'est-à-dire que le blocage, c'est pour les préfets, les recteurs, les inspecteurs généraux. Donc, par excellence, le français est une langue de pouvoir. Dans un aparté un jour, Maurice Druon m'a dit, et je le répète dans le livre, donc je peux le dire en public, au fond, la position de l'Académie, c'est on maintient le masculin pour les fonctions nommées en Conseil des ministres. J'ai trouvé ça admirable. Ça n'a aucun sens juridique ni grammatical, mais ça dit la vérité. Voilà, donc je lui dis, monsieur le perpétuel, pour vous, l'État est masculin. Il m'a répondu, oui. Dans une voix très féminine. Comment expliquez-vous que l'histoire de la féminisation de la langue commence à l'extérieur de l'Hexagone ? Vous parlez du Québec en permanence notamment. Tout simplement parce que le purisme y est moins fort. Je rappelle que la féminisation de la langue, ce n'est rien d'autre qu'une démasculinisation. Je montre dans l'ouvrage que jusqu'au XVIIe siècle, toutes les professions sont féminisées. La langue fonctionne normalement. Un exemple, l'Église catholique au Moyen-Âge donnait de nombreuses fonctions aux femmes. Toutes ces fonctions sont au féminin, de la sœur tourière à la papesse. Et même dans le domaine politique, Anne d'Autriche a été régente. Si elle avait écouté l'Académie française, chronologiquement ça posait un problème, elle aurait été le régent de France, puisque les hautes fonctions sont masculines. Elle était régente. Donc on voit bien que la morphologie est en place, elle ne pose aucun problème, et toutes les fonctions exercées par des femmes sont féminisées. Et à partir du XVIIe siècle, on exclut les femmes de grands domaines. Au XVIIe, c'est la littérature et la langue, ça n'est quand même pas rien, la grammaire. Et à partir du XVIIIe, et surtout, je suis désolé, après la Révolution française, elles sont exclues de l'espace public. Je prends un exemple. Ambassadrice. On nous explique, et encore l'Académie aujourd'hui, qu'une ambassadrice, ce n'est que l'épouse d'un ambassadeur. Mais uniquement depuis le XIXe siècle. Au XVIIe siècle, Louis XIV donne des ambassades, des missions à des femmes. Elles sont ambassadrices. Saint-Simon les appelle ambassadrices. Et le dictionnaire de l'Académie française, dans sa première édition en 1694, définit ambassadrice, femme chargée d'une ambassade. Tout va bien. Prenez les éditions successives, la définition disparaît au profit de femme, épouse d'un ambassadeur. Car on ne nomme pas de femmes dans les ambassades. Elles sont exclues. Et du coup, se met en place cette chose extraordinaire que j'ai appelée le féminin conjugal. C'est-à-dire que ces fonctions n'existent que, ces mots n'existent que par rapport au mari. Une ambassadrice, ça ne peut être plus que l'épouse, comme une préfète, comme une rectrice, etc. Et à partir du début du XIXe siècle, je dirais, le féminin conjugal règne en maître, c'est le cas de le dire. Et on produit toute une série de Madame la juge pour l'épouse du juge, Madame la pharmacienne. La pharmacienne, c'est l'épouse du pharmacien. Mais c'est parce que les femmes ne sont pas nommées aux emplois, aussi parce qu'elles n'ont pas accès à l'enseignement supérieur. Donc c'est lié à l'histoire. D'où le jour où enfin les femmes font des études supérieures, comme les jeunes femmes en pharmacie. Quand elles ont leur diplôme, elles hésitent à s'appeler pharmacienne, parce que tout le monde considère que pharmacienne, c'est l'épouse. Donc, elles bricolent pendant quelques temps. Elles disent, je suis le pharmacien, pour bien montrer qu'elles ont les titres. Mais ça ne peut pas durer. Mais il y a encore beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne veulent pas féminiser leur métier. Des femmes qui se présentent écrivains, des académiciennes qui se présentent comme académiciens, bien sûr. Mais vous savez, le changement linguistique n'est pas... Sur l'histoire de la langue, il est lent. Dans d'autres fonctions, j'ai beaucoup tourné dans les ambassades de France à l'étranger. Et je demandais à chaque fois à l'épouse de l'ambassadeur, quand c'était un homme qui était à l'ambassade, comment on la faisait appeler. Vous savez, les jeunes femmes, maintenant, elles ont leur métier, leur statut. Elles refusent de faire appeler ambassadrice. Et du coup, quand elles sont à la tête de l'ambassade, elles se font appeler ambassadrice. Alors, quelques-unes encore, les plus âgées, se font appeler Madame l'ambassadeur, mais c'est en train de changer. C'est-à-dire qu'on a seulement un changement qui est lié à la disposition sociale. Et l'Académie a tort de dire qu'ambassadrice n'a que ce sens-là. Il a les deux sens. Alors si je vous suis bien, peut-être une des solutions, si on vous suit dans l'appel et le souhait d'une féminisation accentuée de la langue, il faudrait cesser de considérer que le français n'appartient qu'aux Français. et insérer la langue française dans l'univers de la francophonie. Oui. C'était exactement le souhait, on va rester dans le pouvoir encore un peu, la langue comme une affaire de pouvoir, du président Emmanuel Macron lors de son discours à l'Académie française du 20 mars 2018. Écoutez-le. C'est la langue française, elle-même, qui est devenue le centre de toutes les nations et de tous les peuples où elle a fait souche, dans sa variété étourdissante. C'est cela la francophonie. Ce continent humain qui admet comme constitution une grammaire partagée, comme article de loi une syntaxe, comme code civil un vocabulaire. Et c'est fort de cela qu'aujourd'hui des centaines de millions de personnes affrontent le monde, le vivent et le racontent. Notre langue française, si souvent encore représentée comme un jardin aux allées rectilignes, est devenue ce lieu partagé qui a épousé progressivement les inflexions de la planète. Ici résonnent les paroles d'Édouard Glissant indiquant comme objet de la poésie le monde en devenir, le monde tel qu'il nous bouscule, le monde tel qu'il nous est obscur, le monde tel que nous voulons y entrer. Le français s'est au fond émancipé de la France. Il est devenu cette langue monde, cette langue archipel. Bernard Cerchiglini, vous semblez tellement d'accord avec le président que je me demande si ce n'est pas vous qui avez écrit ce discours. Non, je me souviens de Il fallait mon vous émotion. Voir, le public vous a vu mon en écoutant émotion. Cette archive. En plus, je n'étais pas très loin du président et je l'ai vu en partie improvisé. Ah, vous étiez présent ce jour-là. Et c'était admirable. Admirable, le français s'est au fond émancipé de la France. Il est devenu cette langue monde, cette langue archipel. Sous les accents à la Édouard Glissant, on reconnaît des accents à la Emmanuel Macron, par l'emploi du verbe émanciper, qui est un grand verbe macronien, et aussi par l'audace de dire des choses. Et rappelez-vous que, bel exemple en même temps, le discours est prononcé à l'Académie française. Et certains immortels étaient verts, car le président a expliqué que nous ne sommes plus les propriétaires de la langue. Et qu'il fallait s'ouvrir à une diversité qui est en fait une richesse. Et c'est ce jour-là qu'il a lancé l'idée d'un grand dictionnaire des francophones, dont je vais présider le conseil scientifique, bien sûr, et qui va ouvrir à la diversité. Il faut un dictionnaire de millions de mots québécois, belges, de toutes les langues du monde, pour montrer toutes les Français du monde, pour montrer l'extraordinaire richesse. Le président a raison de parler du vocabulaire, car ce qui fait la force de la francophonie, c'est la syntaxe. Rendons hommage aux grammairiens du XVIIe siècle, Vaugelas, Bouloure, etc., le travail académique, qui ont bâti la phrase française. La phrase que nous utilisons, que nous avons exportée au monde, ce n'est pas la phrase de Montaigne ni de Rabelais, c'est la phrase de Racine, construite sur un modèle, je dirais, latin. Elle est solide, et nous la partageons. La variété, elle est dans l'accent, elle est dans le vocabulaire. Il faut donc accepter cette variété qui ne met pas en cause l'incompréhension. La francophonie est une syntaxe. Je crois que c'est ce que le président Macron avait dans la tête ce jour-là. Mais est-ce que ça va forcément faire avancer la question de la féminisation de la langue ? Faire entendre la diversité, oui. Mais il y a beaucoup d'autres, pourquoi pas, par exemple, faire introduire le neutre dans la langue française ? Si le but est de faire entendre la diversité, la multiplicité des utilisations possibles et de ses utilisateurs. Alors allons plus loin. Féminisation, oui, pourquoi pas le neutre pour le pluriel, pourquoi pas encore d'autres petites catégories qui viendraient désigner d'autres utilisateurs de la langue. C'est une tâche passionnante, c'est-à-dire qu'est-ce que définir la norme, je dirais plus française, je dirais francophone, dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. Ça ne peut plus être la tâche de la seule Académie française, elle doit être entourée d'autres organismes, québécois, belges, sénégalais, ainsi de suite, il faudrait, comme on fait en science, une conférence de consensus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est de bon usage, en ayant une conception assez ouverte du bon usage, car il est évident que nous avons tous des variantes. Mais de fait, prendre l'exemple, nous ne pouvons pas adopter le point de vue académique seul, qui est ministre non masculin. C'est dans le dictionnaire de l'Académie. Donc, il faudra dire ministre non masculin et féminin. Et accepter les deux, d'accord ? Et accepter Madame le ministre, et ne pas critiquer ceux qui disent encore Madame la ministre, l'inverse. Mais par ailleurs, on peut aussi considérer que certaines innovations québécoises ou belges ou sénégalaises sont bonnes, bienvenues. Il faut, vous savez, l'académie italienne s'appelle la Crusca. La clauska, c'est le tamis. Et je crois qu'il faut revenir à cette idée d'un tamis. Il y a des innovations partout. On les passe au tamis et on garde toutes celles qui sont vraiment bonnes, qui sont utiles. Les innovations linguistiques. J'ai publié un livre qui s'appelle « Enrichissez-vous par les francophones », une liste de mots à adopter dès demain matin. Je veux dire que en Suisse, on ne note pas dans son agenda. On agende un rendez-vous. Ben, allons-y, naturellement. Donc, il faut passer le français mondial au tamis, façon très bienveillante, car si l'on veut que le français reste une grande langue internationale. Mais c'est ça quand même l'enjeu, non ? On ne va pas l'épurer ni le rétrécir. Il faut au contraire faire le pari du grand large. Voilà, donc le but du discours d'Emmanuel Macron et aussi peut-être de ce travail sur la langue, c'est de faire en sorte que le français s'impose comme langue mondiale aux côtés de l'anglais, non ? Mais bien sûr, c'est en fait, le discours du président est un bon discours de la francophonie. Ça veut dire que d'abord, la France est dans la francophonie, ce ne sont pas les autres. Il le dit plus tard dans son discours, en allant considérer que la francophonie, c'était les autres. Regardez les écrivains francophones. Il y a Proust d'un côté, et puis les francophones. Il faut dire, nous sommes francophones. Nous parlons francophones. Et donc, il faut jouer ce jeu, et il faut, naturellement, partager. Nous parlons francophones, et ici même, nous chantons francophones. Nous chantons francophones féminins. Écoutez Paulette Rollin et cette marche des noms féminins. Tous les noms féminins terminés par le son I. On peut mettre la pie et la pépie, un nœud derrière le I. Cependant la brebis prend un S comme la souris. La perdrix, un X et la fourmi un I, par un T finit la nuit. Tous les noms féminins terminés par le son U. On comme la grue, la rue et la morue, un nœud derrière le U. Sauf la bru, sauf la glu, une tribu et la verrue. Car ces quatre noms, la chose est bien connue, se terminent par un nu. Oh là là. Merci beaucoup Bernard Cerchiglini d'être venu nous parler aujourd'hui de cette féminisation de la langue. C'est moi qui vous remercie. Et je renvoie à votre livre « Le ministre est enceinte » ou « La ministre est enceinte » et selon la grande querelle de la féminisation des noms aux éditions du Seuil. Et je remercie le public lillois venu assister à cette rencontre qui est en train de danser, déchaîner sur Paulette Rollin. Merci à vous. Les noms féminins terminés par le son E s'écrivent à l'encre tout comme à la craie, à I-E s'il vous plaît, excepté la forêt, accent circonflexe T, excepté la paix avec un X, celle qui termine les RIX. Oh là là, apprendre tout ça, j'ai mal à la tête, vous n'y pensez pas. Oh là là, à queue de tracas, moi je me plaindrai tout à l'heure à papa. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'arrêt du 25 novembre dernier, ES contre Autriche, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui agit depuis quelques semaines l'opinion. Les faits d'abord. En 2011, Elisabeth Sabatich-Wolf, ressortissante autrichienne, est condamnée au paiement d'une amende de 480 euros. Fille de diplomate, ayant vécu et travaillé pendant plusieurs années au Moyen-Orient, elle avait critiqué en 2009, lors d'une conférence, la condition des femmes dans les pays arabo-musulmans, ainsi que la pratique du djihad en Iran et en Libye. Le tribunal a estimé que le droit à la liberté d'expression faisait qu'elle ne pouvait être incriminée pour propos incitant à la haine raciale. Toutefois, il a jugé que son affirmation selon laquelle Mahomet était un pédophile était diffamatoire et insultante envers l'islam. Après avoir épuisé toutes les voies de recours internes, Elisabeth Sabatich-Wolf s'est donc tournée vers la Cour européenne des droits de l'homme, arguant que la décision des autorités autrichiennes contrevenait à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège la liberté d'expression. Dans son arrêt, la CEDH a finalement validé la décision des autorités autrichiennes en soutenant que les propos d'Elisabeth Sabatich-Wolf risquaient d'engendrer des préjugés et menacer la paix religieuse. Bon nombre de journalistes ont crié au scandale en fustigeant ce qui pourrait s'apparenter effectivement à un retour du délit de blasphème. Mais où en est-on vraiment du délit de blasphème en Europe? Si l'on suit le philosophe Guy Archer, toute la difficulté tient au processus de traduction qui, dans la plupart des pays européens, a fait passer le blasphème compris comme insulte à la divinité à un blasphème compris comme offense aux croyants ou comme atteinte à l'ordre public. C'est sous cet angle, d'ailleurs, de la préservation de l'ordre public qu'il faut comprendre le concept de préservation de la paix religieuse défendu par la CEDH dans son arrêt. Le mot blasphème a le plus souvent disparu des législations européennes. Mais le blasphème a trouvé des traductions séculières qui, souvent, ont permis de perpétuer sa condamnation par d'autres moyens. Une approche comparative de ces différentes législations témoigne en réalité de l'extrême polysémie du lexique pénal autour de cette question. Là où il n'y a pas d'incrimination stricto sensu pour blasphème, il existe une protection des bonnes mœurs ou de la pudeur, un régime d'autorisation ou de classification en matière cinématographique ou médiatique, une réglementation des messages publicitaires, un droit réprimant la diffamation de groupe et punissant l'incitation à la discrimination ou à la haine, ces dispositions étant pour tout ou partie applicables aux faits religieux. Au sein de ces législations à géométrie variable, se dégagent néanmoins trois formes distinctes de protection. Premièrement, celles sanctuarisant une vérité considérée comme sacrée par la collectivité. C'est le cas par exemple en Italie et en Grèce, mais aussi en Irlande jusqu'à très récemment. Deuxièmement, celles préservant les sentiments des croyants. C'est le cas par exemple en Autriche, en Allemagne ou encore en Espagne. Troisièmement, enfin, celles condamnant l'hostilité envers un groupe ou un individu causée par leur libre affiliation ou appartenance, comme en France. Le cas français, d'ailleurs, est assez particulier. Vous le savez, la liberté d'expression compte, en France, parmi les libertés fondamentales, puisqu'elle est l'objet des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui laisse au législateur le soin d'en établir les limites. Avec la loi du 21 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui par ailleurs s'applique plus généralement à toute forme d'expression, la Troisième République impose une législation libérale, dont les limites, toutes strictement définies, ne constituent que des exceptions justifiées à la règle générale de liberté. La loi de 1881 abolit définitivement le délit de blasphème, même dans sa forme sécularisée d'atteinte à la morale religieuse. Cependant, à ce régime de liberté élargie, suit un régime de liberté plus restrictif, notamment à partir de la loi Pleven de 1972 qui amende la loi de 1881 en créant les délits d'injure, de diffamation et de provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une race, une ethnie, une nation ou une religion. L'introduction de ces nouveaux délits a entraîné des difficultés d'interprétation, qui se sont matérialisées par des décisions de justice parfois douteuses, et une réflexion jurisprudentielle intense sur le sens à accorder à l'injure, la diffamation et la provocation en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une religion. Autrement dit, la question a été de savoir si insulter une religion en soi, ou des figures et des symboles d'une religion, revenait à offenser les adeptes de cette religion. Le procès intenté contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo en 2007 pour la publication des caricatures de Mahomet a fini de clarifier la position des juges. En France, il est possible d'insulter une religion, ses figures et ses symboles. Il est en revanche interdit d'insulter les adeptes d'une religion. Néanmoins, la différence entre l'un et l'autre est parfois ténue, ce qui a entraîné une inflation de procès en blasphème sans que le mot ne soit jamais prononcé. Ce qui se joue derrière, c'est toujours ce processus de traduction dont la France, tout comme de nombreux tribunaux européens et même la Cour européenne des droits de l'homme, semble être tout à fait dupe. Il faut dire que l'argument est subtil. En vidant le délit de blasphème de tout caractère religieux, les groupes confessionnels ont réussi un coup de maître. Merci beaucoup Anastasia Colosimo. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Marie Simon, Sharon Houry, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Lise Combe à la réalisation avec Anna Schmuck, Christian Lahondès, Mathieu Leroy, Stéphane Demort, Jean Fromentin est à la technique et la prise de son aujourd'hui pour assurer l'enregistrement de cette émission et l'organisation de cette rencontre qui me donne l'occasion de remercier Gilbert Glassman et Myriane Pleine-Maison, entre autres ici à Lille, Francesca Fossati et Virginie Noël à France Culture. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour du féminin. Toujours depuis le festival Cité Philo à Lille, nous serons en compagnie de la philosophe Marie-Frédérique Pellegrin, avec qui nous parlerons de Poulain de la Barre. Serait-il le premier philosophe féministe à la fin du XVIIe siècle? Nous poserons la question demain donc, c'est-à-dire tout à l'heure pour vous, public lillois, à 14h30, au même endroit, à l'auditorium du Palais des Beaux-Arts. D'ici là, pour écouter cette émission, c'est très simple, rendez-vous sur France Culture, le site de France Culture. Vous pouvez écouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, ou bien la balado-diffuser, comme disent les Québécois. À demain, 10h, et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.